Cuisine Référence. Cuisine Référence, recommandée pour ses cuisines sur mesure et son accompagnement. Vous aussi, vous nous recommanderez. Cuisine Référence, créateur cuisiniste. Et en ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts sur votre cuisine. Conditions sur cuisine-référence.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, dans la série Personnages atypiques de la Ve République, Philippe Séguin, et plus précisément, Philippe Séguin face à Jacques Chirac. Allure massive et bonhomie, non. En vérité, c'est un sanguin. Ses origines méditerranéennes invitent à la douceur, faux encore. C'est un hyperactif intransigeant, un Tunisien bouillonnant, un gaulliste social à la loyauté maladive, qui transcende les luttes de classe tout en assumant son souverainisme. Le pouvoir, c'est une lutte constante contre l'impuissance, disait-il. Pourtant, l'homme est pugnace. Apprécié de ses administrés à Épinal et des électeurs de la droite au niveau national, il ne craint pas de croiser le fer contre ses opposants, y compris contre le personnage le plus célèbre et le plus puissant de son camp, Jacques Chirac, qui ne cessera de se méfier de ce fidèle et qui aurait dit de lui « Si je le nomme Premier ministre, il va me présenter sa démission tous les jours. » Genre ingérable. Alors, comment comprendre que celui dont le courant de pensée prit le nom de séguinisme ait été limité dans son ascension? Peut-on parler, dans son cas, de plafond de verre ou de gâchis même? Autrement dit, la France est-elle passée à côté d'un grand homme et vice-versa, possible? Notre invité aujourd'hui, Arnaud Tessier, son ancien conseiller à la présidence de l'Assemblée nationale, auteur du livre « Philippe Séguin, le remords de la droite » paru chez Perrin en 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Garden Party à l'Élysée. Comme au théâtre, pendant 2 heures, les invités jouent leur rôle. Ils se côtoient, ils s'entretiennent, ils s'évitent. Les inconnus, comme les stars, parlent à voix haute de la météo et à voix basse de la politique. Côté coulisses, Bernadette Chirac réserve un accueil particulier aux candidats à la mairie de Paris. Paris, été 2000. Comme chaque année, une garden party est organisée par l'Élysée après le défilé militaire du 14 juillet. En bonne maîtresse de maison, Bernadette Chirac accueille ses invités. Et tous guettent ses préférences, ses inclinaisons. D'autant qu'en coulisses se préparent les élections municipales et qu'au sein de la droite, 2 candidats sont en lice, le tenant du titre Jean Tiberi, compromis dans des affaires judiciaires, et Philippe Séguin, qui vient de démissionner de la présidence du RPR. Alors bien sûr, les militants s'interrogent. Qui soutenir, Séguin ou Tiberi? À la façon dont Bernadette accueille Séguin, on comprend qu'il a ses faveurs. Mais Jacques Chirac, lui, qu'en pense-t-il? La mairie de Paris, ce n'est pas rien. Luxe, finances, grandes institutions internationales, le tout doté d'une trésorerie de 5 milliards et du réseau adéquat pour conquérir l'Élysée. Dans les jardins, un grand écran projette l'interview très monarchique du président face à Élise Lucet, Béatrice Schoenberg et PPDA. La question surgit, souhaite-t-il que Jean Tiberi se retire pour laisser sa place à Philippe Séguin? Je voudrais dire que, hélas, on ne peut que regretter le spectacle donné sur la scène parisienne, d'ailleurs sur tous les bancs, depuis quelques mois, depuis que se dessine la perspective des élections municipales. Vous comprendrez très bien que, à la place qui est la mienne, en tant que président de la République, je n'ai pas du tout l'intention ni la vocation à intervenir dans les élections municipales. Je reçois les gens qui me demandent à être reçus. Je n'ai pas l'intention d'intervenir. Ça doit être tout à fait clair. Je souhaite naturellement que les querelles s'apaisent. Je souhaite que l'union revienne. Et je n'ai pas, je vous le dis tout de suite, d'autres commentaires à faire sur ce point. Donc il est inutile d'attendre de moi autre chose. Coup de tonnerre dans les rangs de la droite. Chirac ne se prononce pas. Autrement dit, pour certains, il lâche Séguin. Une opération kamikaze. Car 8 mois plus tard, embourbé dans ses querelles, la droite perd Paris. Est-ce une simple erreur de calcul de la part du président ou est-ce autre chose? À vrai dire, les deux hommes se connaissent depuis longtemps. À la manière du duo qu'il forma avec Balladur, on pourrait dire que Philippe Séguin et Jacques Chirac, qu'ils sont eux aussi des amis de 30 ans. Leur première rencontre, elle se déroule sous la présidence de Georges Pompidou. À 30 ans, le jeune Séguin vient d'être nommé chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Réfléchi et scrupuleux, il est tout le contraire de celui que Pompidou appelait son bulldozer, Chirac. Dans ses mémoires, publiées en 2003 au Seuil, sous le titre « Itinéraire dans la France d'en bas, d'en haut et d'ailleurs », il écrit « Chaque soir, on apercevait Chirac grimper d'un pas rapide l'escalier pour participer au débat. Il était le favori, le bras séculier, en même temps que celui dont il s'agissait de préparer l'avenir. » Il est le favori, certes, mais Chirac et Séguin ont des points communs. Tous deux sont issus de l'ENA, d'où ils sortent dans la botte, 16e rang pour le premier, 7e pour le second. Et tous deux choisissent de rejoindre la Cour des comptes, où ils s'ennuient copieusement avant d'entrer en politique. Mais les analogies s'arrêtent là. Car contrairement à Jacques Chirac, Philippe Séguin n'est ni un Parisien, ni un bourgeois. Non, son histoire commence à Tunis, fin avril 43, sous les bombes de l'Afrika Korps. 6 mois de combats acharnés à l'issue desquels les Alliés l'emportent. Le 7 mai 1943, la campagne de Tunisie s'achève dans la Liesse. Philippe Séguin vient de naître. C'est à Tunis, clé de l'Afrique du Nord, que s'acheva victorieusement la poursuite de Rommel. L'entrée des Alliés dans la ville fut triomphale. Sur leur passage, la population manifestait sa joie. Des bras se tendaient, esquissant le V de la victoire. Devant les généraux De Gaulle et Giraud, chefs du Comité français de la Libération nationale, défilèrent les soldats de la France libre, armés de vétérans, armés de Français combattant pour la France nouvelle, pour la France éternelle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est dans ce contexte de ferveur patriotique que Robert, le père de Philippe, se porte volontaire pour finir la guerre en métropole. Et qu'en septembre 44, il est tué entre Besançon et Belfort. À Tunis, sa femme, Denise, fait face. À sa famille qui lui propose de l'aide, elle répond non. Quitte à vivre de façon monacale, parce que ses principes sont indéfectibles. Et elle tient à entretenir le souvenir de son héros de mari. C'est ainsi qu'en 1949, c'est à Philippe, âgé de 6 ans, que sont remises les médailles militaires au nom de son père, comme il le raconte dans ses mémoires. Habillé de bleu et en gants blancs, j'ai suivi avec beaucoup de précision et de gravité les instructions du sous-officier chargé de l'ordonnancement des choses. Quand est venu mon tour, le colonel a d'abord frappé chacune de mes épaules du plat de son sabre, comme je l'avais vu faire au cinéma, puis a accroché les deux médailles sur ma poitrine, médailles qu'il faudra littéralement m'arracher quelques heures après, au moment de passer à table. À chaque rentrée scolaire, lorsqu'on lui demande la profession de son père, l'enfant écrit « Mort pour la France ». 40 ans plus tard, il lâchera cette phrase. « Le premier titre que j'ai eu, c'est Pupille de la Nation. On ne cesse jamais d'être orphelin. Ça vous marque et ça explique votre histoire. » Une histoire liée à la politique internationale. En mars 1956, l'arrivée de Bourguiba au pouvoir oblige la famille Séguin à partir pour Draguignan, une valise à la main. Un drame pour l'adolescent de 13 ans qui acquiert la conviction que souvent les modes passent et que les empires s'effondrent. Devenu étudiant en histoire, il s'engage à l'UNEF comme ses camarades de sciences humaines. Les confrontations sont nombreuses avec ceux de la fac de droit, plus enclin à pencher à droite. Mais confronté à la question algérienne, il s'interroge. Est-il de gauche ou de droite? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il est pragmatique, déjà. Au journaliste Pierre Servan, qu'il interroge pour son livre « La force de convaincre », il avoue « Même si dans le fond de mon cœur, j'étais Algérie française, c'est au nom du réalisme qu'il me paraissait inutile de s'opposer à l'inévitable. Je pensais en revanche qu'il fallait faire en sorte que l'indépendance ne soit pas une rupture ou une vengeance. » Il soutient donc la politique de décolonisation, heureux de vrai à l'unité nationale. C'est durant cette période, lors d'un passage en tant que pigiste au Provençal, qu'il découvre certaines servitudes qui ne lui plaisent pas. Exemple, lorsque Gaston Defer, l'inoxydable maire PS de Marseille, téléphone au journal pour exiger une réécriture complète de l'édito du jour, ou qu'il affiche son mépris envers le général et envers les pieds noirs, eh bien se dit que quelque chose cloche dans cette gauche-là. Toujours dans ses mémoires, il déclare « La SFIO m'avait profondément déçu et le PSU m'avait fatigué avec ses palabres. Et puis je participais également d'une autre tradition par mes origines. Une tradition où le drapeau comptait, où l'on savait ce que nation voulait dire. D'autant que le gaullisme me permettait de surmonter mes contradictions. Pour moi, il n'était ni de gauche ni de droite, le gaullisme. » Imagine-t-il seulement à quel point cet idéal du « ni de gauche, ni de droite » lui sera fatal ? Sans doute pas. Obéissant à De Gaulle, qui souhaite que ses hauts fonctionnaires soient formés dans une sorte de West Point administratif, il s'inscrit donc à l'ENA, période durant laquelle le général quitte le pouvoir. Certains s'en réjouissent d'ailleurs, pressés de prendre la relève. Et lui confesse « j'avais l'impression de participer à une ingratitude collective ». C'est donc sous le gouvernement de Pierre Messmer qu'il rencontre Jacques Chirac. Déjà ministre, ce dernier l'emmène partout avec lui. Et déjà, le tableau de leur relation à venir se dessine, à la fois sincère et manipulateur. Chirac montre ses talents à son jeune chargé de mission, tout en prenant soin de le neutraliser. Au fil des mois, ce gars est mal à l'aise. Chirac s'éloigne et lui n'aime pas enfoncer les portes. Alors, opté pour Giscard, non. Trop libéral, trop policé. Et on lui propose alors, en vue des législatives, de se présenter dans la première circonscription des Vosges. Un cadeau empoisonné ? Un peu, oui. Car la région est de gauche. En outre, elle traverse une crise économique grave. Mais âgé de 35 ans, Philippe Séguin sait que le moment est venu de s'imposer. Il y investit alors toute sa puissance de travail et il mise sur des modernisations, comme il l'explique au micro de FR3 Vosges. Lorsque Boussac a des difficultés, lorsque Boussac est repris par les Villots, c'est pas seulement des emplois qui sont perdus, c'est tout un tissu social qui se disloque. Mais vous imaginez le bouleversement culturel que représente la mutation nécessaire que nous devons accomplir actuellement. Et il l'emporte dans les Vosges. Alors que Jacques Chirac aiguise ses couteaux en vue de la présidentielle de 81, lui découvre un nouveau métier, député, une nouvelle région, les Vosges, un nouvel environnement, l'Assemblée, et une nouvelle famille, le RPR. Or, cette dernière n'en finit pas de se déchirer, notamment au sujet de l'Union européenne. D'autant qu'en décembre 78, Chirac lance son fameux appel de Cochin, où il sous-entend que Giscard est en train de vendre la France, je cite, à une Europe mollusque sans corps ni dessin véritable. Un texte comme une bombe, concocté par le tandem Pierre Juillet et Marie-France Garraud, ces fameux tuteurs qui flirtent avec la France réactionnaire. Il y aura de la cervelle sur les murs, s'alarme Denis Baudouin, le conseiller comme. Eh bien, Pierre Juillet lui répond, c'est exactement ce que nous recherchons. Séguin approuve l'idée souverainiste du texte, mais il est choqué par ses formules agressives, comme celle du parti de l'étranger. En outre, au-delà de la sémantique, il fustige cette idée si peu gaullienne du dynamitage de la droite. Et puis chacun s'interroge, qui est vraiment Chirac et qui le conseille ? Rapidement, Juillet et Garraud sont désignés coupables. Résultat, une défaite pour le RPR, un naufrage même. Et plus jamais Jacques Chirac ne jouera la partition souverainiste, sachant surtout que ce serait un handicap pour son ambition présidentielle. Or, pour Philippe Séguin, c'est justement ces tentations souverainistes qui vont se retourner contre lui. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits. les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras, tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, Mozart est fait pour ça. Tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Philippe Séguin, Le Temps Péteux. Affaires Sensibles sur France Inter. Mai 1981, la France passe à gauche. Mais Philippe Séguin n'est pas horrifié. De toute façon, ça fait des mois qu'il donne des signes d'indépendance. L'abolition de la peine de mort, pourquoi pas? Le programme libéral de Chirac, une erreur. En vérité, il est ému par cette union de la gauche face à une droite déchirée. Et il s'en explique dans ses mémoires. Le 10 mai, il s'était vraiment passé quelque chose dans les esprits et les cœurs de beaucoup. La joie était sereine et l'espérance palpable. On rirait beaucoup de langues quand, en présentant son premier budget, il évoquerait le passage de l'ombre à la lumière. Mais c'était bien ce que ressentaient beaucoup de ceux qui pensaient qu'ils étaient désormais reconnus, considérés. Oui, un tel bouleversement méritait grandes orgues et trompettes. Parce que l'histoire s'écrivait et moi, j'en éprouvais à la fois de l'angoisse et de l'envie, car je n'étais pas de la fête, et que je me retrouvais sans l'avoir voulu ni imaginé dans le camp de la réaction. Et je m'efforçais, pour sauver mon siège, de parler d'autre chose à ceux qui voulaient encore bien m'entendre. Je me retrouvais dans le camp de la réaction sans l'avoir voulu. Vraiment ? Serait-il secrètement resté de gauche ? Dans son livre, Philippe Séguin, Le remords de la droite, Arnaud Tessier écrit « C'est à croire que seules les circonstances et le hasard l'ont mené dans le camp de la droite. En outre, et contrairement à Juppé, il n'a pas d'affinité particulière avec le RPR, dont le rattachement au gaullisme lui paraît incertain, pour ne pas dire cavalier. Une attitude et une pensée qui vous rappellent peut-être quelqu'un. » Jacques Chaban-Delmas, dont nous vous avons raconté récemment l'histoire dans Affaires Sensibles. Du reste, Séguin a été considéré par certains comme un chabaniste. Mais en politique, se fier aux circonstances ou au hasard, c'est risqué. Toutefois, Profitant de l'affaiblissement de Chirac, il parvient à se faire élire vice-président de l'Assemblée. Il s'y forge une image de gaulliste social en se montrant hostile au tournant libéral. Et ça marche. Peu à peu, ses convictions impriment, tout comme sa silhouette massive et son regard triste. En outre, son bilan dans les Vosges est plus que louable. Alors, la récompense arrive, et c'est haut la main qu'il gagne la mairie d'Épinal en 1983. Bien écoutez, nous ressentons ce soir évidemment une très grande joie. Nous espérions, nous attendions ce succès. Nous n'attendions pas, nous n'espérions pas un succès aussi important. Et nous mesurons l'honneur qui nous est fait, la confiance qui nous est apportée et les responsabilités qui nous échoient pour les 6 années qui viennent. J'entends et j'ai l'intention de le dire, de le répéter. Et ça a d'ailleurs été le thème de toute ma campagne, être le maire de tous les Spinaliens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au-delà de ceux qui m'ont apporté aujourd'hui leur confiance, qui m'ont aidé tout au long de cette campagne, être le maire de tous sans exception ni sectarisme. Ce sera ma ligne de conduite pendant les 6 années qui viennent avec l'ensemble de mes colistiers. Avec Épinal et ses habitants, Philippe Séguin entretient un lien sincère. Il aime choyer ses administrés, tout comme il aime déjeuner de pâte à la Vosgienne chez son ami Lulu sur les bords de la Moselle. Chaque week-end, à la manière d'un Chirac au salon de l'agriculture, on le voit qui sillonne les marchés, serre des mains, coupe des rubans. Et mieux que ça encore, il parvient à sortir la ville de la crise. Équipements sportifs, logements sociaux, intégration des populations étrangères, politique scolaire, rien ne lui échappe. L'attaché parlementaire Samir Rimini rappelle... Il avait toujours un regard bienveillant à l'égard de ceux qui n'ont rien, sans être dans l'insulte de ceux qui ont tout. Évidemment, Séguin se moque bien des inclinaisons politiques de ses collaborateurs. De droite ou de gauche, peluchot, tant qu'ils sont efficaces. Aussi, lorsque l'heure de la cohabitation sonne, c'est sans surprise que Jacques Chirac pense à lui pour le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi. Le président de la République, vu les articles 8 et 9... de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre et participent à ce titre au Conseil des ministres. Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, Monsieur Philippe Séguin. À 43 ans, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, il devient l'un des personnages clés du gouvernement et de la vie politique. Or, c'est un piège. Car entraîné par l'adhésion de Jacques Chirac au libéralisme en ce temps-là, le social est un angle mort du RPR. Et de toute façon, on ne fait pas de miracle en 2 ans. Il voudrait rejouer Épinal, mais il se heurte à la droite dure, qu'il ne laisse pas faire. Alors on l'entend qui se désole. Ils m'ont saccagé ma négociation. Il décide de garder la socialiste Martine Aubry au poste de directrice de relations du travail. C'est elle qui jettera l'éponge 1 an plus tard. Lui aussi aimerait tout plaquer, car il étouffe, coincé entre un Chirac lointain, un Balladur suffisant et un Juppé hostile. Alors il lance des piques, comme lorsqu'il déclare aux journalistes que la France est une terre d'immigration qui doit rester fidèle à ses principes. Et peu à peu, évoquant des pourrissements successifs, il se décourage. Et le voilà pris de démissionnette aiguë, comme dans cette lettre non datée adressée directement à Jacques Chirac. C'est une société nouvelle qu'il nous faut construire, fondée sur d'autres modes de rapport au travail. Je n'ai jamais pu vous convaincre de la justesse de mes vues en matière de sécurité sociale. Je ne puis continuer. D'abord, parce que mes convictions les plus profondes sont en cause. Je considère que si des réformes drastiques sont à l'évidence nécessaires, la sécurité sociale doit rester un système de solidarité et ne pas revenir à des mécanismes d'assurance. Enfin, un ministre ne peut avoir de différend avec le Premier ministre parce que, par principe, c'est lui qui décide. Les mois qui suivent sont comme un chemin de croix. Jacques Chirac voyait Philippe Séguin comme un ours aimable, il se révèle méridional froid. Un paquet de solitude, colérique, toujours prêt à claquer la porte. Et comme sa mère, incorruptible. En 88, confronté au retour du PS au pouvoir, Chirac connaît un long moment d'errement alors que Séguin est réélu triomphalement à Épinal. D'où il se permet de prendre la défense de Laurent Fabius, injustement accusé, il est vrai, dans l'affaire du sang contaminé. Alors Chirac en rage, et en réponse, affiche sa préférence pour Juppé. En septembre 94, au club de la presse d'Europe 1, Gérard Carrérou et Alain Duhamel demandent à Séguin « Est-ce que votre ambition est d'être le chevènement de Chirac ?» L'intéressé botte en touche. Et pourtant, alors que la ratification du traité de Maastricht se prépare, il publie dans le Figaro une tribune intitulée « France, réveille-toi ». En vérité, depuis la mort de son père au combat, il garde une méfiance instinctive envers l'Allemagne. Et il refuse une Europe fédérale liée à ce pays. Alors il écrit « Rien ne vaut une France sûre d'elle-même et maîtresse de son destin. Car il ne peut plus être question de la droite ou de la gauche, l'enjeu n'est rien moins que notre communauté de destin. » Et sa plume gaullienne séduit. Jacques Chirac, lui, reste hanté par l'appel de Cochin et rechigne à le rejoindre, à rejoindre Philippe Séguin dans sa croisade souverainiste. En revanche, Charles Pasqua le suit et entraîne avec lui la moitié des députés gaullistes. Alors, les médias se gaussent, à l'image de Patrice Bertin sur France Inter. Charles Pasqua et Philippe Séguin sont au RPR, ce que Starsky et Hutch sont aux séries télévisées américaines, dynamiques, incontournables et iconoclastes. Aujourd'hui, 8 juillet, le couple Pasqua-Séguin s'est reformé pour dire non à Maastricht. Les deux anciens ministres de Chirac prennent le contre-pied de leur patron. Jusqu'au 20 septembre, date du référendum, ils feront campagne contre l'Europe de Maastricht. Et ce n'est pas tout. Car quitte à se marginaliser, Séguin prend une décision inouïe. Il se tourne vers Marie-France Garraud, l'ange noir de Chirac dans les années 70, la Raspoutine de service, celle-là même qu'il avait poussé à signer l'appel de Cochin. Est-ce un putsch ? On s'interroge, car le non monte dans les sondages. Fin août, il dépasse le oui, provoquant la panique de Chirac qui se sent trahi. Car enfin, de quoi a-t-il l'air en tant que président du RPR si ses seconds lui arrachent le titre de gaulliste ? Séguin savoure. Il se sent même poussé des ailes. Et le hasard joue pour lui. À l'ambassade de Grande-Bretagne, il rencontre Margaret Thatcher qui lui dit « Faites confiance aux Vikings ». Et en effet, le lendemain, coup de théâtre. L'affaire s'est jouée à quelques dizaines de milliers de voix sur plus de 3 millions d'électeurs. Le Danemark tourne le dos à l'Europe de Maastricht. Les Danois, qui étaient les premiers à se prononcer sur le traité européen, ont dit non à 50,7%. Ce non est donc une surprise. Alors, Quentin Dickinson, vous êtes actuellement à Copenhague. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, semble-t-il, un phénomène de rejet de l'énorme campagne d'information que vous évoquiez à l'instant. Et ici, on n'a retenu que des arguments passionnels tout à fait sujets à caution. Par exemple, que toutes les décisions seraient prises de Bruxelles, que le chômage irait s'aggravant, que le Danemark perdrait son identité et qui sait sa monarchie, ou encore que les Danois seraient complètement marginalisés dans une Europe dirigée par le tandem franco-allemand. Le 28 août, le Times écrit « Philippe Séguin est une figure politique peu ordinaire. Massif, fumant ses gauloises, il tient tête au gouvernement français. » Il est résolument à contre-courant de la mode ambiante. Sa séduction repose sur l'alliance entre un style anti-parisien et une argumentation méthodique. Immédiatement, François Mitterrand prend la mesure du danger de ce référendum pour Maastricht. Et il demande qu'un débat télévisé soit réalisé dans le grand amphi de la Sorbonne. Bien. Mais qui pour débattre face à lui ? Une liste d'opposants lui est proposée. Son regard se pose sur Séguin. Il le sait, combatif, mais loyal. Et là, le député des Vosges découvre qu'en coulisses, une sorte d'hôpital de campagne est ostensiblement installé. Sachant le président malade et face à son courage, son combat contre la maladie, Séguin est impressionné et surtout plein d'empathie. Trop peut-être, car il s'enlise dans les politesses et il rate son grand oral. Il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas, oui. Non, probablement seulement. Plus que probablement. Oui. Ce système fédéral qu'on nous annonce pour plus tard. Vous vous êtes... Moi, je ne l'ai pas annoncé, je ne sais pas. Vous avez je exprimé pas annoncé, votre direction, monsieur non, le Président. Je ne l'ai pas annoncé, mais il me conviendrait. Absolument. Oui. Je le réprouve totalement. Mais si vous ne le réprouviez pas... Je ne serais pas devant vous, monsieur le Président. Et le 20 septembre, le oui l'emporte à 51%. Mais Philippe Séguin y gagne une vraie légitimité. Un tremplin vers la prochaine présidentielle. Jacques Chirac panique. Il lui semble que Séguin est devenu incontrôlable, peut-être même un rival. Alors, comment le neutraliser? Eh bien, en lui offrant la présidence de l'Assemblée, le perchoir. Séguin accepte, le voilà perché. Peut-être de quoi le calmer. Monsieur Philippe Séguin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. J'aurai enfin, moi aussi, m'autorisant de l'exemple de notre doyen, une pensée pour un jeune homme de 23 ans, mon père, qui, à l'appel précisément du général de Gaulle, tomba à l'entrée d'un petit village du Doubs un jour de septembre 1944 pour contribuer à la libération de la France. À travers lui, à travers ses grands exemples, je veux penser, nous devons penser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait du service de la nation leur principale ambition. Puissions-nous, mes chers collègues, rester fidèles à leur mémoire et à leur exemple. En attendant la prochaine présidentielle, Philippe Séguin consacre son temps à améliorer les pratiques républicaines et à lutter contre la corruption. Il crée aussi le Parlement des enfants, ainsi que la chaîne Canal Assemblée nationale, qui deviendra LCP. Et tous l'apprécient, même le secrétaire de la CGT, Marc Blondel. Alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, nous devions déjeuner ensemble à l'hôtel de Lassé. Lorsque je suis arrivé, il venait de prendre connaissance du programme électoral de son parti. Et il me l'a communiqué avec quelque peu d'ironie, me demandant ce que j'en pensais. Notre conversation fut riche. Il développait l'idée que le capitalisme était en crise permanente et que nous n'étions pas capables de mettre en place un système de substitution. J'avoue ne pas avoir osé lui dire que son analyse rejoignait le marxisme. Séguin marxiste, peut-être pas. Mais nul ne s'étonne qu'en 95, Chirac préfère nommer Juppé à Matignon, en dépit du fait que ce dernier soit peu sensible à la fracture sociale. En conséquence, les grèves enlisent la France. Et une petite musique monte, qui dit qu'un remaniement en faveur de Séguin serait de mise. Il faudrait juste que le président lui pardonne sa croisade anti-Maastricht. Non sans amertume, Séguin écrit « Je compris qu'il était gêné de n'avoir rien à me proposer. Et je fus assez bon pour participer à la comédie qu'il monta pour me se dédouaner. Puis il fit mine de me proposer d'être maire de Paris et il me suggérait du moins, j'imagine, de m'entendre refuser. » Ravage de l'orgueil, Séguin décline la mairie de Paris, mais il a tort, car Jean Tibéri prend sa place et 6 ans plus tard, il sera trop tard. Côté Chirac, certains assurent qu'il préfère prendre le risque de dissoudre l'Assemblée et de mener une cohabitation avec Jospin plutôt que de nommer Séguin. Ce qui expliquerait cette drôle d'idée de dissoudre en 97 et de provoquer des législatives anticipées. Tout cela reste à prouver, bien sûr. Toujours est-il que, dans ses mémoires, c'est peut-être un indice. Le chef de l'État écrit « Je lui ai toujours conservé estime et affection, mais son caractère peut se révéler difficile, brutal et parfois même insupportable. » Face au succès de la gauche plurielle, la débâcle de la droite est totale. Séguin est tenté par un retrait, mais il décide de prendre la tête du RPR, que personne ne réclame vraiment. D'emblée, il annonce que le temps des barons est terminé, qu'il faut ouvrir le parti à tous, même aux adversaires. Puis il propose de changer le nom de la formation négoliste. Mais chacun y voit une façon d'exclure Chirac, qui une fois de plus en prend ombrage, et qui le marginalise, en mettant fin à toute rencontre à tête à tête. Qu'il est beau le jardin secret de Philippe Séguin, et qu'il est désert, note cruellement Christophe Barbier dans son livre « La comédie des orphelins ». Un an plus tard, Philippe Séguin jette l'éponge. Coup de tonnerre ou tremblement de terre, la démission de Philippe Séguin à la présidence du RPR aux élections européennes est vécue comme un séisme au sein de la droite. En effet, dans sa lettre de démission, Philippe Séguin ne ménage pas le président de la République et ses proches, dénonçant, selon ses dires, les nouvelles stratégies suicidaires inspirées aux entourages par des sondages de popularité trompeurs. Explication de texte, depuis quelques jours, selon un bruit persistant, l'Élysée lancerait une offensive, fait cela pour préserver l'union sacrée qui doit exister autour de Jacques Chirac. Désormais, il devient difficile de rejoindre la garde rapprochée de l'Élysée. À son ami Michel Henrich, qu'il a remplacé à la mairie d'Épinal, il confie « Je vais me faire badonner ». Et de fait, lors de la garden party de l'an 2000, Chirac le lâche. Le 18 mars 2001, les clés de Paris reviennent à Bertrand Delanoë. Face aux caméras, le candidat battu donne le change. Cette campagne, aussi dure à tant d'égards, peut faire qu'on en sorte détruit. J'en sors entier et plus déterminé que jamais qu'on le sache. Il est entier, certes, mais pourquoi faire? En novembre 2002, sans doute afin de laver les écueils passés, le RPR devient l'UMP. Mais Séguin ne prend pas sa carte. Non, il n'y croit plus. D'après lui, cette formation engendrera à terme un Front National à 40%. En 2004, à la suite d'un étonnant jeu de chaise musicale, Nicolas Sarkozy prend Bercy. Et il se souvient de Philippe Séguin, et il l'apprécie. Il demande alors à Jacques Chirac de le nommer président de la Cour des comptes. C'est chose faite le 21 juillet 2004. Séguin y œuvre au mieux, mais il est épuisé. Il continue de grossir, découvre le whisky, laisse pousser sa barbe et voyage en Tunisie. À l'heure du bilan, il écrit « J'ai été fidèle à l'enfant que j'ai été et qui a appris en quittant sa terre natale qu'on pouvait tout perdre sans avoir jamais été propriétaire de rien. » Le 7 janvier 2010 au matin, un arrêt cardiaque l'emporte. Son ancien collaborateur Jean de Boisu témoigne. « J'accompagnais Fillon à la morgue. Au fond d'un couloir, bercé par je ne sais quelle musique mielleuse, on apercevait une montagne humaine, recouverte d'un linceul. Je me dis que, pour la première fois, il ne me demanderait ni notes, ni citations, ni statistiques. Le volcan s'était éteint. Il faisait froid. » Une vraie émotion s'empare des Français et des médias. Dans Libé, Laurent Geoffrin rend hommage au prophète ombrageux. Dans Valeurs actuelles, Paul-Marie Couteau rappelle que le système, comme disait De Gaulle, ne voulait pas de lui. Et le Figaro lui offre 5 pages. Côté politique, Nicolas Sarkozy organise une cérémonie aux Invalides. La grande famille du RPR est présente, à l'exception notable d'Édouard Balladur et de Dominique de Villepin. Sous un ciel gris, Jacques Chirac prononce ces mots. « T'es-tu jamais senti un homme politique? L'as-tu jamais été ?» Tout dépend de la définition que l'on en donne. Car en entrant en politique, tu n'avais pas choisi un métier ou une carrière. Tu avais cherché un sens à ta vie. Puis en avril, de façon étonnante, le même Chirac avoue à la revue des Deux Mondes, il me manque. Un an plus tard, dans une interview accordée à Bruno Jeudy dans le JDD, sa fille Catherine déclare « De l'ambition, il en avait, certainement. Mais de plan de carrière, je ne lui en connaissais aucun. Ce n'était pas son genre. » Philippe Séguin face à Jacques Chirac. On en parle avec notre invité Arnaud Tessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Philippe Séguin, Les remords de la droite, paru chez Perrin en 2017. Nous l'avons vu dans le récit, Séguin était un gaulliste social, parfois marginalisé par Jacques Chirac. Mais sa personnalité était souvent mal appréhendée. D'après son ami Jean de Boisu, il y avait chez lui un côté shakespearien. Est-ce qu'on peut dire que cet homme avait le sens du tragique? Oui, il avait le sens du tragique. Et puis toute sa vie est marquée par la tragédie, par cette présence obsédante de son père, et puis par cette sorte d'instinct politique qui se heurte toujours. Il est toujours resté au bord du Rubicon, c'est-à-dire il ne l'a pas franchi. Il y a eu plusieurs moments dans sa carrière où il aurait pu franchir le Rubicon, rompre avec Chirac, il ne l'a pas fait, pour des raisons multiples, mais qui était liée en partie à une forme de loyauté envers la formation à laquelle il appartenait, et envers Jacques Chirac. Alors, on a dit beaucoup de choses sur son caractère, sur son tempérament, tempétueux, voire ingérable, les cendriers qui volent. Il y a, entre la légende et la réalité, est-ce que vous pouvez nous restituer la réalité, vous qui l'avez connu et qui avez travaillé avec lui? Je l'ai vu dans de très grosses colères, très spectaculaires, mais qui tenaient à son physique. Il y a des hommes politiques coléreux, mais de petit format. Lui, il était grand, gros, il avait une grosse voix. Donc quand il se mettait en colère, eh bien, ça faisait une forte impression. Et même le connaissant depuis des années, quand j'entrais dans son bureau, j'étais toujours impressionné. Cela étant, il se mettait généralement en colère pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que c'était un homme angoissé, c'était un homme très exigeant, et quand il sentait qu'on avait peur de lui dire la vérité, il était de plus en plus angoissé, de plus en plus en colère. Donc en fait, il avait besoin face à lui, c'est ce que j'ai compris un jour, de gens qui soient stables, c'est-à-dire jamais enthousiastes quand il était sympa, jamais effondrés quand il était odieux. Il fallait être le même, toujours, et il était rassuré, et tout allait bien. Donc vous l'avez rencontré en tant que stagiaire Énarc à Épinal, je crois. Oui. Il vous avait chargé de travailler sur un projet de chaîne TV, c'était la chaîne Image Plus, devenue Vosges TV. Puis vous l'avez suivi dans les années 90, notamment lors de la dissolution ratée de 97. Et c'est une période que vous qualifiez de descente aux enfers. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors c'est surtout à partir de 97 que va être vraiment la descente aux enfers, quand il prend la présidence du RPR. Les années 90 sont des années paradoxales, parce qu'il n'est pas directement au pouvoir. En 95, Chirac l'écarte, alors qu'il lui doit très largement sa victoire. Mais il est président de l'Assemblée nationale, mais il est dans une fonction tribunicienne. C'est un orateur qui fait entendre sa voix, mais il n'est pas véritablement au pouvoir. Par contre, il intéresse beaucoup. Il y a eu 4 ou 5 ouvrages de journalistes qui lui sont consacrés en quelques années. Les années 90, c'est à la fois l'éloignement du pouvoir réel et en même temps sa montée en force. Et c'est sans doute ce qui a inquiété Chirac et surtout l'entourage de Chirac. Vous parlait-il parfois de sa relation avec Jacques Chirac et comment vous la définissez-vous, cette relation, en fonction de ce que vous avez pu observer et surtout de ce qu'il a pu vous dire? Écoutez, je peux tout résumer. Lorsqu'il a appris que Jacques Chirac voulait dissoudre l'Assemblée et faire des élections anticipées en 97, il m'a appelé dans son bureau de président de l'Assemblée nationale. Je suis descendu, il était assis le dos à la scène. Il me dit « Vous ne connaissez pas la dernière de l'autre ?» en faisant un geste, un regard par-dessus son épaule. Il va dissoudre. Alors je lui dis « Il va tout de même pas faire cette bêtise ?» Il m'a dit « Si !» Voilà, donc c'était un homme qui considérait Chirac avec une certaine affection, parce que Chirac savait quand même entretenir avec ses proches une relation affective, mais je crois qu'il n'avait pas beaucoup de considération pour lui. Et j'en ai eu de multiples témoignages. Et pourtant, il l'a soutenu lors du duel fratricide de 1995 contre Balladur. Il n'est pas allé chez Balladur, contrairement à quasiment tous les autres. Chirac, quand même, quand on voit à quel point il était blessé par la défection et la désertion de Nicolas Sarkozy chez Balladur, il a dû quand même être... Il a dû aller jusqu'à l'émotion, la reconnaissance envers un... Juppé, évidemment, mais Séguin aussi. C'est important, oui, ce choix-là. Il y a eu un moment où on ne savait pas s'il allait vraiment, de quel côté il allait tomber. Il avait du temps. Séguin était plus clair. Je pense que Séguin était loyal par nature. Il n'aimait pas aller du côté de celui qui semblait gagner à tout craint. Et puis je crois qu'alors, pour le coup, il avait encore moins envie de Balladur que de Chirac. Ça, c'est absolument certain. Ils étaient incompatibles. Pas du tout sa tasse de thé, non. Ni par le caractère, ni par l'orientation politique. Comment travaillent-ils ensemble, Jacques Chirac et Philippe Séguin, lors de la cohabitation de 86, quand Chirac est Premier ministre et Séguin, ministre des Affaires Sociales? Ils arrivent à travailler ensemble, ça se passe bien ou pas? C'est assez orageux, c'est-à-dire que Séguin est parti du principe que, de toute façon, c'était une aberration que de vouloir faire des réformes en profondeur, pendant 2 ans seulement, et alors que l'Élysée était toujours occupée par François Mitterrand. Il disait, c'est suicidaire, on ne peut pas changer la France en 2 ans. Et puis, il trouvait qu'il y avait beaucoup de riganisme mal digéré dans la politique, ou de thatcherisme mal digéré dans les projets, le projet chiracien. Et donc, il était en désaccord avec beaucoup de choses, mais en même temps, il savait qu'il était nécessaire qu'il soit là, parce qu'il voulait préserver un certain héritage gaullien, qui était la solidarité, la sécurité sociale, qui est comme une création de De Gaulle. Enfin, il savait qu'il fallait qu'il soit là pour protéger l'essentiel, même s'il pensait qu'il fallait réformer le système, bien sûr, mais il ne pensait pas qu'il fallait le mettre à bas. Donc, je crois qu'il était là pour essayer de limiter les dégâts, mais il étouffait, parce qu'évidemment, il était paralysé par le contexte politique, et par le fait que la cohabitation, surtout d'une durée de 2 ans, était quelque chose d'intenable. Et sa méfiance vis-à-vis de la doxa ultralibérale, qui commence dans les années 80 avec effectivement les Reaganomics, avec Margaret Thatcher qui arrive en France. Donc il adhère pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'il est un gaulliste social? Qu'est-ce que le gaullisme social? Il disait que la dimension sociale était présente, bien puisque sûr. Le général de Gaulle en 44-45 et dans les années 60 avec son grand projet de participation avait un grand projet de société, un grand projet social. Oui, il était gaulliste social et surtout c'était quelqu'un qui était très attaché à l'État et au rôle de l'État, là aussi comme de Gaulle. Et ce qu'il réprouvait dans l'évolution du RPR, c'était à la fois un discours uniquement économique et financier, en oubliant le social. et un discours de plus en plus anti-étatique, alors qu'il considérait que l'État, c'était l'armature de la France. Il n'était pas anti-européen, mais il considérait que l'Europe, comme de Gaulle, que l'Europe devait être politique avant d'être économique et financière. D'où le débat avec François Mitterrand pour le traité de Maastricht. Alors, c'est peut-être l'acmé de la carrière politique de Philippe Séguin, ce débat. C'est là où tous les Français qui ne le connaissaient pas vraiment l'ont découvert. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là et quelle en est votre analyse 30 ans après? Il s'est fait piéger, il le disait d'ailleurs, il s'est fait piéger parce qu'il ne savait pas, personne ne savait. La maladie de François Mitterrand a été annoncée fort opportunément à quelques semaines du référendum. Il ne le savait pas et quand il est arrivé, il a compris, comme ça a été dit, il a compris en voyant l'hôpital de campagne, eh bien qu'il était face à un homme très malade, et en plus il y avait ce respect naturel qu'il avait pour la fonction. Donc il s'est fait piéger, effectivement il n'a pas été très bon, et je me souviens, il prétendait le contraire, mais il le savait parce qu'il m'avait téléphoné, il cherchait, non pas le compliment, mais il cherchait à être rassuré, moi je ne savais pas quoi lui dire, parce que je voyais qu'il avait, c'était raté, il s'était fait piéger, comme ça a été très bien dit, parce que c'était un homme loyal envers les institutions et respectueux. Il avait vu un homme en état de faiblesse, ce en quoi d'ailleurs il se trompait en partie, parce qu'il était en état de faiblesse physique. Mais pas intellectuel, la preuve. Mais il s'est fait, et je crois que Mitterrand savait très bien ce qu'il faisait en le choisissant comme adversaire. C'était un piège, quelque part. Oui, oui. Alors, les années 90 constituent aussi la période de l'émergence du fameux concept de la fracture sociale, au moment de la présidentielle de 95. On dit souvent que c'est Emmanuel Todd qui l'avait soufflé à Chirac, mais d'autres affirment que c'est Philippe Séguin qui était derrière cette trouvaille. Oui, il y a Henri Guénaud aussi, il y avait tout son entourage. Mais Séguin était à la fois influencé par les gens qui travaillaient avec lui, mais il était influencé aussi, il s'appropriait les choses, et puis il y avait une sorte d'interaction entre les gens qui lui parlaient et ce qu'il pensait. Je crois que la fracture sociale, surtout, c'était profondément inscrit dans sa personnalité. Il était obsédé par l'idée que deux France puissent se développer l'une contre l'autre. Mmh. C'est tout à fait dans la ligne. Vous savez, je cite toujours Disraeli, le grand homme d'État conservateur du 19e siècle, qui disait à propos de la révolution industrielle, il y a deux nations, l'Angleterre est en train de se séparer en deux nations hostiles. Et c'était aussi l'obsession de De Gaulle de surmonter la lutte des classes. Et je crois que c'était très, très net. Séguin était obsédé par l'idée de l'unité nationale, qui était une idée gaullienne. C'était vraiment un gaulliste pur. Oui. Est-il exact que sa pire désillusion, d'ailleurs on n'a pas de mal à le comprendre, était la nomination d'Alain Juppé comme Premier ministre en 1995, dans la foulée de l'élection de Jacques Chirac? Ben oui, il n'a pas été surpris, mais il a été quand même meurtri, parce qu'effectivement, il pensait à juste titre qu'il avait eu un rôle décisif. Il a beaucoup fait pour le remobiliser, parce que Chirac était découragé, parce que tout le monde pensait que Balladur, ça y était. Et je pense qu'il s'est senti un peu trahi, parce qu'il considérait que ça aurait dû être lui. Mais en même temps, il savait très bien que Chirac avait un vieux fond Ratsoc, radical socialiste, et que Chirac avait peur de lui, et qu'il irait plus spontanément vers Alain Juppé, qu'il voyait plutôt comme un très bon second. Concernant les élections régionales de mars 98, vous vous souvenez, lorsque dans plusieurs régions, la droite entre en négociation avec le Front National, bien sûr, Séguin se fâche, il dit « ils ne vont quand même pas vendre leur âme pour des safranes ». Bon, souverainiste, mais anti-Front National. On retrouve encore là des piliers de la pensée gaulliste, anti-extrême droite, souverainiste, on y est. Hein. Il était contre toute forme d'alliance avec le Front National, il était très sévère, effectivement, au moment des élections régionales à ce sujet, et considérait que c'était de la politicaillerie de bas étage. Voilà. Par contre, il était réellement inquiet de ce que représentait la puissance montante du Front National. Mmh. Vous avez cité tout à l'heure son propos qui était prophétique quand il disait en 1991, il était contre la politique de Front Républicain, qui était une sorte d'évacuation de toute idéologie, de toute conviction. Il disait le Front Républicain mettra le Front National à 40%. Il disait ça en 1991, c'était quand même pas mal vu. Il avait 30 ans d'avance. Oui, on n'est pas loin du dernier score du Rassemblement National. Mais oui, on est même légèrement en dessous. À la présidentielle. Donc c'était un visionnaire également. Oui. Bien, merci infiniment. Merci pour vos précisions, aussi pour votre témoignage, Arnaud Tessier, puisque je le rappelle, vous avez compagnonné avec Philippe Séguin. Merci, au revoir. Merci.